bah si tu veux, j'écris cette chanson parce que en réalité, personne n'ose faire des musiques sur les handicapés. Pourquoi? Eh ben moi, si. Et bah ça immunise pas contre la connerie. Eh ouais.